Bonjour à toutes et tous, bon début de semaine sur Radioactive et bienvenue dans le MAG. Aujourd'hui, au sommaire de cette émission, je vous propose un retour sur les échanges avec les partenaires de l'emploi que nous avons eu l'occasion de rencontrer au récent forum Anime-toi organisé par le CCAS d'Amboise. Et dans ce premier volet, on va parler entrepreneuriat. Alors on commence par un chiffre, 400 000. Ce chiffre conséquent, c'est celui que représente le nombre de créations d'entreprises qui ont été recensées en France de janvier à avril 2024. C'est dire l'esprit d'initiative des Français qui décident de se lancer dans cette aventure qu'est l'entrepreneuriat et qui rejoignent ainsi les 3,82 millions d'entreprises que recense la France. Alors si vous aussi, vous avez envie de franchir le pas, de développer votre projet professionnel et de créer votre propre activité économique, il existe des points d'appui sur le territoire et certains même qui viennent jusqu'à vous. À Amboise, c'est le cas du bus de l'entrepreneuriat qui se déplace dans les quartiers de Malétrennes et de la Verrerie pour accueillir et orienter les futurs entrepreneurs dans leur démarche. Je vous propose donc de retrouver Mickaël Sacoman, chef de projet bus de l'entrepreneuriat pour BPI France et BGE Berry-Touraine. On écoute. Mickaël Sacoman est à nos côtés sur le forum Anime-toi au Théâtre Beaumarchais à Amboise. Mickaël est chef de projet bus de l'entrepreneuriat. Alors, il va nous expliquer quel est cet outil. Bonjour Mickaël. Bonjour. Alors, c'est quoi cet outil ? Eh bien, cet outil, c'est un outil qui est déployé par BPI France, la Banque publique d'investissement qui finance l'entrepreneuriat en France et qui est porté par la BGE Berry-Touraine et dont la particularité est de faire le tour des QPV de la région, donc les quartiers prioritaires de la ville, pour détecter des porteurs de projets, des futurs entrepreneurs et pour les orienter vers des solutions d'accompagnement pour mener leurs projets à bien. Ce qui est la mission de BGE finalement, mais là c'est un BGE itinérant. Bah, c'est ça. Service. Alors c'est que effectivement BGE parmi ses missions qui sont nombreuses et variées, mais sa mission principale reste l'accompagnement à la création d'entreprises. Mmh. Et donc effectivement cet outil-là permet. Alors c'est un outil qui ne travaille pas que pour BGE, hein, qui est vraiment un outil collaboratif. C'est-à-dire qu'il travaille en lien avec tout l'écosystème des acteurs de l'entrepreneuriat. Et moi, je détecte, je recueille les besoins des personnes et je les oriente vers les bons interlocuteurs, les bonnes structures, les bons partenaires derrière pour pouvoir les accompagner en fonction de leurs besoins. Donc BGE, mais pas que. Tous les organismes, par exemple, les structures qui font du financement, style l'ADI, Initiative, France Active et plein d'autres. Voilà, donc je travaille en lien avec tout le monde. Je suis un peu la porte d'entrée dans les quartiers vers l'écosystème de la création. C'est arrivé comment cette mission, Mickaël ? Dans votre parcours, je crois qu'il y a quelque chose qui fait que vous êtes dirigé justement vers cette fonction ? Alors oui, tout à fait. Bah, c'est arrivé tout naturellement parce que moi, déjà, je suis doublement entrepreneur puisque je suis un ancien formateur indépendant. Donc j'ai une micro-entreprise en tant que formateur indépendant qui est pour l'instant un peu stand-by parce que je ne peux pas être partout, mais j'ai œuvré là-dessus pendant très longtemps. J'ai également une école de musique, moi, à titre personnel. Donc je suis co-gérant aussi d'une société sur un projet culturel un peu pluridisciplinaire à Notre-Dame-d'Oué, qui s'appelle Modern Music Academy. Et donc voilà, j'ai toujours été passionné par les projets, l'entrepreneuriat au sens large, hein, mener et faire avancer des projets. Et puis j'ai eu l'envie d'accompagner les autres et d'aider les autres aussi à faire avancer leurs projets et se lancer dans cette merveilleuse aventure qui est l'entrepreneuriat. Et donc quand j'ai vu ce bus, je me suis dit que c'était pour moi parce que c'était une belle façon d'aller vers les gens et justement de diffuser un peu cette culture entrepreneuriale et puis bah, ma foi, d'apporter la petite pierre à l'édifice des projets de tout à chacun. Ça fonctionne bien ? Ben, ça fonctionne plutôt très bien. Ouais. Alors il faut savoir que c'est assez nouveau. Hein. Moi je suis arrivé sur ce bus au mois de février et la mise en place sur le terrain a commencé au mois de juin. Donc je viens notamment à Amboise depuis le mois de juin, donc c'est assez récent, mais ça marche super, il y a un bel engouement, il y a du monde, on se rend compte qu'il y a plein de gens qui ont plein d'idées, plein de projets qui ne demandent qu'à être travaillés. Évidemment, tous les projets ne feront pas forcément des entreprises pérennes, mais au moins on donne la possibilité à tout le monde de travailler son projet pour savoir si ce projet peut être pérenne et peut se transformer en entreprise ou pas. Mais donc il y a plutôt pas mal de monde, c'est chouette. Vous avez le sentiment d'être bien identifié du public des quartiers maintenant quand le bus arrive ? Alors maintenant, oui. La preuve, les enfants me font des coucous, c'est bon signe quand j'arrive. Non, mais maintenant, oui. Alors, effectivement, il a fallu s'intégrer dans les quartiers. Donc pour ça, j'ai eu la chance de m'appuyer sur tout un tissu d'acteurs, de travailleurs sociaux, oui. Notamment Stéphanie Tridi et Akimas, son acolyte, qui m'ont beaucoup aidé aussi à m'implanter au sein des quartiers. Et donc ça a été pour moi très précieux. Et maintenant, je pense que je suis quand même globalement plutôt pas mal identifié. Et donc ce bus devient un petit peu... Ben voilà, le portail d'entrée principal vers le monde de la création. Donc petit à petit, oui, ça avance plutôt bien. Qu'est-ce qui a le vent en poupe en ce moment en création d'entreprise ? Je sais qu'il y a une époque où c'était l'onglerie, par exemple. Il y avait beaucoup de choses comme ça. Toujours un petit peu. Alors, qu'est-ce qui a le vent en poupe ? Déjà, en termes de type de montage, ce qui a le vent en poupe en ce moment, c'est la micro-entreprise, clairement. Ah oui. Parce que c'est vrai que c'est une belle façon de se lancer dans l'entrepreneuriat sans prendre de gros risques, assez simplement et sans avoir une multitude de frais avancés ou de gestion administrative à faire, même s'il y en a à faire, bien sûr, quand même, malgré tout. Après, le travers de ça, c'est que parfois, c'est tellement facile de créer sa micro-entreprise qu'il y a des gens qui créent... On la gère pas derrière, peut-être. Exactement, il y a des gens qui créent... Il y a quand même beaucoup, y compris dans votre travail, de l'accompagnement à ça. Totalement. L'idée, c'est justement d'accompagner les gens pour leur inculquer les bonnes pratiques et leur faire travailler leur projet, structurer leur projet avant de s'immatriculer, de façon à ce qu'ils puissent bénéficier aussi des aides d'accompagnement. Il y a un énorme arsenal en France d'aides à l'accompagnement et de dispositifs à l'accompagnement, mais qui sont pour la plupart du temps valables en amont de l'immatriculation. Donc notre idée, c'est qu'avant de vous immatriculer, mettez toutes les chances de votre côté, sollicitez tous les accompagnements possibles et surtout structurez votre projet pour pouvoir savoir que faire de son entreprise derrière. Parce qu'une fois qu'on est immatriculé, qu'il faut se lancer, c'est plus trop le moment de réfléchir à qu'est-ce que je vais vendre, à qui et comment. Et là, votre accompagnement, il s'arrête, hein ? Alors moi, à titre personnel, dans le bus, je n'accompagne pas sur la structuration des projets. Je recueille les besoins et j'oriente le porteur vers la bonne personne qui pourra l'aider par rapport à son projet. Je suis plus un orientateur, une porte d'entrée. Voilà, je passe le relais à mes différents partenaires ensuite pour structurer le projet. Mais moi, en tant que tel, je ne structure pas le projet, même si je donne des premiers niveaux d'information au sein du bus et quelques supports de façon à pouvoir déjà commencer à acculturer les personnes sur l'entrepreneuriat. D'accord. Une initiative comme ce forum Anime-toi, vous trouvez que c'est une bonne idée ? Ah bah tout à fait, bien sûr. Tout ce qui est événementiel, on peut rassembler différentes structures, on peut rencontrer les habitants et recueillir les besoins, échanger. C'est super important, déjà c'est aller vers, de rencontrer les habitants, mais également c'est très important, je trouve, que les différents dispositifs, parce qu'il en existe plein, puissent se rencontrer, échanger, discuter, réseauter. Et puis mutualiser les efforts, parce que la cause, elle est commune, c'est de faire avancer les habitants. Atout indéniable, effectivement, voilà. Ce type de rendez-vous, de pouvoir se rencontrer entre partenaires. Exactement, parce que ça nous permet aussi d'échanger sur nos problématiques, de travailler plus en synergie. Et ça, pour moi, c'est vraiment fondamental. Et de monter, pourquoi pas, des projets ensemble. Eh bien, complètement. Et ça n'arrête pas de se faire, d'ailleurs. Eh bien, écoutez, on viendra vous voir à l'occasion quand vous passerez sur le quartier de la Verrerie avec le bus, puisque nos locaux y sont, Radioactive. Donc, on viendra vous voir, Mickaël. Eh bien, j'y passe tous les mardis, une semaine sur deux. Donc, n'hésitez pas, vous êtes bienvenus. Bon, vous êtes visible. Oui. Je pense qu'on ne va pas vous rater. Vous avez une grosse bête jaune qui arrive. C'est pas Titi et Gros Minet, c'est bien le bus d'entrepreneuriat. Si des auditeurs sont intéressés de venir vous rencontrer, est-ce qu'il y a un contact, un mail ? Alors oui, il y a même un site internet dédié. Je n'ai plus l'adresse exacte en tête, mais si vous tapez dans un bon moteur de recherche, quel qu'il soit, bus de l'entrepreneuriat, vous devriez tomber sur le site officiel. Je crois que c'est bus-tousentrepreneurs.fr ou .com, je ne sais plus exactement, je suis un mauvais élève. Et quand le bus se gare, on peut venir vous voir directement ? Il faut prendre rendez-vous avant ? Et non, il n'y a pas de rendez-vous. C'est complètement facile. Gratuit, sans rendez-vous, sans engagement. On vient comme on est. On monte dans le bus et puis on discute avec moi sur le projet. Mais non, bien sûr, c'est quand vous voulez. Merci Mickaël Sacoman. Je rappelle que vous êtes chef de projet bus de l'entrepreneuriat. Un bus qui est un outil, rappelons-le, de la Banque publique d'investissement et qui est donc porté par l'association BGE. Tout à fait, c'est ça. Un grand merci à vous. Merci.